93 avec Sylvain Bouchard et José Arsenault. 8h18. Bon, je vous l'avais promis ce matin, je vous le fais là. Écoutez bien ça. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais on va faire le débat. Parce que même au début, quand j'entendais ça, beaucoup d'auditeurs me l'ont déjà envoyé, puis je disais non, vous exagérez, là, oubliez ça. Ça concerne l'armée. La grande question, c'est ce que oui ou non, est-ce qu'on est rendu au Québec à avoir besoin de l'armée, de la loi des mesures de guerre? Bernard Drainville du PQ a tourné ça en ridicule la semaine dernière quand la CAQ puis Gérard Deltel disait « Ah ouais, go là, faut faire respecter les injonctions, caller la police puis tout ça. » Drainville a dit « Hey, tu veux-tu la loi des mesures de guerre? » En voulant dire « Non, ben innocent de demander... » Là, je me suis mis à penser à ça puis je sais que plusieurs auditeurs m'ont envoyé des courriels, je répondais toujours « Ben non, on n'en est pas là. » Oubliez ça, là. On n'en est pas là. Et là, en fin de semaine, j'ai dit « Ok, regarde, pour le fun, moi, me livrer à l'exercice. Octobre 70, printemps 2012, on compare. À partir de quelques données que j'ai sorties, ça vous tente de participer à la discussion, 670-9330. Mais je vous annonce tout de suite la conclusion. C'est pire. Non, il n'y a aucun doute que c'est pire. Printemps 2012 est pire qu'octobre 70. Écoute bien ça. Là, je sais qu'il y a la donnée fondamentale de la mort d'homme qu'on a eue en octobre 70. Alors, si vous focussez juste là-dessus, moi, être d'accord avec vous, octobre 70, c'est pire parce qu'une vie humaine, on peut pas mettre une valeur. Je suis pas capable de comparer ça avec plein d'autres données. Parce que la vie humaine, c'est ce qu'il y a de plus important. Puis c'est dur de ça vaut-tu 1 million? Ça vaut-tu 10 millions? Ça vaut-tu tant d'heures de travail? Une session annulée, tu sais? Tu me suis? Oui. Je sais qu'il n'y a rien qui remplace la vie humaine. Alors, si vous focussez là-dessus, on le donne octobre 70. Mais bon, faisons l'exercice autrement, parce que quand on a appliqué la loi des mesures de guerre, Pierre Laporte n'était pas mort. Alors, il n'y en avait pas de mort d'homme au moment où on a demandé la loi des mesures de guerre. Alors, allons-y. Octobre 70. Qu'est-ce qui a marqué surtout la crise du FLQ en octobre? C'est les deux prises d'otages de Pierre Laporte et de James Richard Cross. Alors, il y a eu deux individus qui ont été kidnappés, pris en otage. Printemps 2012, alors vous allez dire, personne n'a été pris en otage. Au sens strict du terme kidnapping, vous avez raison. Mais moi, jeudi passé, dans les rues de Montréal, j'en ai vu des centaines de milliers qui étaient pris en otage. Une femme qui voulait aller travailler puis qui n'ont pas pu. À matin, et depuis plusieurs jours, semaines, il y a des étudiants qui veulent rentrer dans leur cégep pour avoir leur cours, qui ont payé, et ils sont incapables. Ils sont prisonniers. Il y a du monde masqué, armé devant eux, violent, puis ils peuvent pas. Ils peuvent pas rentrer dans leur cégep. C'est moins pire qu'être emprisonné comme Cross puis Laporte, je suis d'accord. Mais en termes de nombre, même si j'avoue que les crimes du FLQ de kidnapping étaient plus graves, il n'y a aucun doute, ça a touché deux personnes. Cross et Laporte. Combien de milliers, dizaines de milliers d'étudiants sont actuellement privés de leur cours? Et combien de centaines de milliers de Montréalais ont été privés dans leur déplacement depuis plusieurs semaines? Combien de commerçants, combien ne peuvent plus faire des affaires normalement? C'est une forme de prise d'otage. Elle est moins grave qu'un kidnapping, qu'un rap, mais elle touche tellement plus de monde que je donne l'avantage à printemps 2012. Comme impact. Octobre 70. Maintenant, voyons voir les protagonistes. Il y avait combien de gens en octobre 70 derrière la crise du FLQ? Il y avait deux cellules. La cellule Chénier et la cellule Libération. Il y avait combien de terroristes? 12. Il y en avait 4 dans la cellule Chénier. Paul Rose, son frère Jacques Rose, Francis Simard, Bernard Lortie, qui a sacré son camp en bout de ligne et ils sont restés 3 à fin. L'autre était la cellule de Jacques Langteau, la cellule qui a kidnappé James Richard Cross, la cellule Libération. Il était environ 6-7. On est rendu à 12. Printemps 2012, il n'y a pas eu de rap, il n'y a pas eu d'enlèvement, mais combien d'étudiants ont posé des gestes criminels depuis le début de ce qu'on peut appeler printemps 2012? Des centaines, voire des milliers. Les gestes ne sont pas aussi graves. Mais les gens qui ont battu des policiers, qui bafouent les injonctions, qui mettent des bombes fumigènes dans le métro, on en a des milliers. Moi, je pense que comme groupe, on en a plus. Il y a eu combien d'arrestations? Savez-vous qu'il y a eu déjà plus d'arrestations, à mon avis, qu'octobre 70? parce qu'on avait là-bas, on avait ratissé l'âge pas mal, là, mm-hmm. mis à part le FLQ. Là. Il y avait le FLQ, vous pouvez lire tous les livres d'histoire là-dessus, là, je les ai quasiment tous lus, j'en ai lu pas mal. Là. Quelques dizaines. C'était marginal, le FLQ. Marginal. Là, malheureusement, dû à la complaisance des médias, à la mollesse des politiciens et à l'inaction des policiers, on est rendu à Montréal avec des milliers d'étudiants radicaux et violents. Pas encore au point de commettre des enlèvements. Ils ont des amendes. Ils l'ont pas fait, je vous le donne. Mais ils commettent des gestes criminels. Maintenant, allons voir l'autre point important. Donc, sur le plan des victimes, je trouve que printemps 2012 fait plus de victimes qu'octobre 70, même si certains ont payé plus cher, c'est-à-dire de leur vie, je le répète. Mais il y a plus de victimes cette année qu'en octobre. Il y a beaucoup plus de membres radicaux et violents cette année qu'en octobre 70. Et le point le plus important, c'est la sympathie. En octobre 70, il y avait très peu de sympathie pour le FLQ. Il y a eu une assemblée. Elle s'est déroulée au Centre Paul Sauvé. C'est à cause de ça qu'il y a eu les lois des mesures de guerre, selon plusieurs historiens. Ce n'est pas les deux enlèvements qui ont fait paniquer les politiciens. C'est l'assemblée au Centre Paul Sauvé. Parce que là, il commençait à y avoir un début de sympathie envers le FLQ et ça a fait capoter tout le monde. Printemps 2012, les sympathies, la complaisance, les gens dans la population, c'est énorme. Malgré, tu sais, quand Lucien Bouchard disait, c'est incroyable ce qui se passe là. Voilà des gens qui refusent les tribunaux, les injonctions, qui bafouent la loi, puis on négocie avec eux, on s'assoit avec eux. Mais on fait pas juste s'asseoir avec eux. En passant à Beauchamp, j'ose avec la classe un matin. Qui ne respectent pas les injonctions, là. Elle s'assoit avec eux autres. Les plus radicaux, les plus violents, est assis avec. Il y a des journalistes, des médias, des politiciens qui, sans supporter, il faut le préciser directement, la violence, ont un langage flou et mou. Il n'y avait pas ça en octobre 70. En octobre 70, le grand René Lévesque, je dis le grand parce que, même si je suis pas péquiste, c'est un grand démocrate, c'est quelqu'un concernant la liberté, la démocratie, les institutions, qui a toujours été vraiment, toujours eu la ligne dure. En octobre 70, René Lévesque s'est complètement dissocié du FLQ, puis même après. Rappelez-vous la crise au PQ, qu'à un moment donné, ils ont voulu rentrer, c'était Jacques ou Paul Rose? Il y a un des deux frères Rose qui a fait une intervention dans un congrès au PQ. René Lévesque a piqué une de ses pires colères de l'histoire. Il dit jamais, je veux pas être associé à lui, de près ou de loin. Non! Quelle est la position du PQ envers la classe? À part Lucien Bouchard, qui les a tassés totalement, la position de Pauline Marois, c'est faut négocier, faut lui donner raison. Je dis pas qu'elle se dissocie des actes de violence, mais elle a un langage, disons, plutôt flou, qu'on retrouve dans plusieurs médias biaisés et au sein de plusieurs centrales syndicales. Alors, la position ferme et sans nuance du PQ en 70, vous allez dire, ils l'ont encore, regarde, les bombes dans le métro, ils ont été fermes, tout ça, oui, mais c'est parce que c'est pas juste une minorité, là. On peut pas juste dire qu'il y a un mouvement étudiant pacifique pis il y en a 12 qui commettent des gestes violents. Il était plus que 12 à Victoriaville. Ils sont plus que 12 quand ils brisent les injonctions dans les cégeps pis empêchent du monde. Ils sont plus que 12 à casser, à intimider. Ils sont plus. Et là, ça entache, malheureusement pour d'autres qui veulent rester pacifiques, ça entache un peu tout le mouvement. Bon, je sais pas si on peut continuer. Moi, je garde juste sur ces quatre points-là. Au niveau du nombre de victimes, au niveau du nombre de participants à des actes répréhensibles, au niveau de la sympathie dans les médias et dans la population, et au niveau de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, moi, je pense que ce qu'on vit présentement est plus inquiétant et dangereux que la crise d'octobre. Évidemment, si on dit, il n'y a pas eu de mort. Ça va demeurer, si vous prenez en compte la vie de Pierre Laporte, puis il faut la prendre en compte, elle est importante, octobre 70 demeure plus grave. Mais mis à part ça, on est assis sur une bombe. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une escalade, là. Oui. Tu sais, on a eu Victo, la princesse ça a été le métro. Ouais. Alors, la loi des mesures de guerre, malgré tout, non. Là, tout de suite, pas sûr. Moi, je non. Donnons du pouvoir aux policiers. Moi, ce que j'attends, c'est un leader. J'attends un politicien qui me dise, désormais. Là, le party est fini. Alors d'abord, on s'excuse, on a peut-être été trop tolérant un peu. On a voulu être bon joueur avec les étudiants. Alors en tant que premier ministre, je vous annonce ceci ce matin. Désormais, les injonctions seront respectées. Nous sommes un état de droit, on n'a pas le choix. Dès demain, les étudiants devront se rendre en cours. D'ailleurs, ceux qui y sont pas, les sessions sont annulées. Automatiquement. À moins d'avoir une méchante bonne raison, là. Je comprends pas pourquoi c'est pas déjà fait. Sinon, c'est annulé. Les autres ont en droit leur cours. Tu sais, c'est une question de sondage, de vouloir être élu à la prochaine élection, mais tous ceux qui sont dans la rue, ils voteront pas plus s'ils négocient ou s'il y a quoi que ce soit. Exact. Désormais, ça va être comme ça. On va respecter la loi. Désormais, on va demander à la police de faire respecter la loi et les injonctions. Désormais, on va demander à la police. Si la police nous dit non, là, désormais, on va appeler l'armée. Éventuellement. On va s'arranger pour que les cours reprennent dans les cégeps. Et nous ne tolérerons plus, puis on s'associera pas, puis on négociera pas avec personne qui va défendre de près ou de loin les groupes radicaux. C'est fini, c'est terminé, il n'y a plus aucune négo. Terminé. On peut pas. C'est moi, ça prendrait un message fort. Mais tant et aussi longtemps que tu as des gens qui porte le carré rouge à l'Assemblée nationale, qui n'est pas un signe de violence au départ et à l'origine, je vous l'accorde, mais il est entaché. Parce que les gens qui ont commis des gestes violents ont aussi le carré rouge comme symbole. Il devrait plus y avoir personne à l'Assemblée nationale à matin qui a le même symbole que des gens violents. Et il pourrait l'enlever en disant, regardez bien, on demeure, je leur demande pas de changer d'idée sur la hausse des frais de scolarité. Ils peuvent demeurer contre, mais ils peuvent plus avoir ce même symbole-là. Le symbole du FLQ en octobre 70, c'était le Patriote de 1837, qui, avant la crise d'octobre, n'était pas un symbole violent, c'est un symbole, une rébellion, oui, qui a été violente, mais d'un autre âge, à l'époque, justement, où on réglait plus les conflits, souvent avec les armes à feu que devant les tribunaux, c'était moins... Bon, mais le Patriote de 1837, tu l'as déjà vu, symbole du FLQ? Comme tel, t'as pas un symbole, il l'est devenu. Je peux te dire qu'en octobre 70, il y a aucun politicien qui aurait eu un chandail avec un patriote de 1837 en disant, ben, c'est pas nécessairement de quoi de violent, là. Tu sais, c'est le patriote de 37. C'est un symbole historique. Ah non, il l'est plus, là. Malheureusement, il y a des gens qui l'ont pris, puis ont fait du mal avec. Le carré rouge, Pauline Marois peut plus avoir de carré rouge. Pas avec ce qui s'est passé dans le métro de Montréal jeudi, pas avec tous les gestes de violence à Victo, les images qu'on a vues. Elle peut pas avoir le même symbole que ces gens-là. Elle peut juste enlever ça et dire, ben, malheureusement, ce symbole-là, qui au départ n'était pas associé à la violence, l'est de plus en plus, moi j'enlève ça. Ce sera un geste de la part de Mme Marois clair et net. Dans les mêmes circonstances, René Lévesque aurait jamais eu un carré rouge. Jamais. Je peux pas imaginer ça. Je peux pas imaginer René Lévesque avec le même symbole que les gens qui bafouent les injonctions, qui font de la violence, etc. Je peux pas imaginer ça. 8h31. Courte pause. 8h32, il n'y a pas de nouveau sur les injonctions. Tous les cours ont été annulés partout à Montréal, là où partout il y avait des injonctions et des étudiants espéraient le retour en classe. Des gens masqués, des manifestants sont venus foutre le bordel et on a reculé partout. Édouard Montpetit, Lionel Groulx, Rosemont, il n'y a pas de cours ce matin. Malheureusement, autre journée perdue. Et là, on continue à envoyer des messages du côté des directions que là, on va demander l'aide de la police. Mais c'est parce que ça fait plusieurs fois que vous demandez l'aide de la police, ça marche pas. Fait que là, rendu là, ça va être l'armée, là. Là, vous allez dire, ça n'a pas de bon sens. Mais ils se tasseront. Ils ont juste à se tasser. Si la police n'est pas capable. 8h33.